20e leçon. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Venez vers 8h, d'accord? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en cuir. Vous en avez un? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil? Ah, Sophie, comment allez-vous? Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances? Ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolée. Je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Exercice. J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu, s'il vous plaît. Ce nouveau chapeau et cette nouvelle robe sont très jolis. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage! Comment s'appelle sa femme? Je veux revoir cet exercice, s'il vous plaît.